Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Blonde. Salut les blondes, comment ça va? Bonjour. Et salut Sofiane. Ça va très très bien. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec un grand soleil. Oui, on est très disponible en ce moment. Oui, et là, on n'est pas encore tout à fait libéré au moment où on enregistre. Et c'est un honneur de vous avoir ici. Et justement, vous aviez donc dans votre hommage, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà, dans votre hommage, vous aviez quelques anecdotes à partager avec nous. Oh là, il y en a moult. On a choisi quelques-unes qui sont particulièrement croustillantes, mais oh là là, des galères, on en a eu. Et on n'a pas fini d'en avoir. on te pense, par exemple, cette fois où on avait un festival en plein air dans un endroit magnifique de France qu'on ne nommera pas ici, à Chute-Chute. Et donc, on était en train de se changer dans un très grand chapiteau. Une tente. Et tout à coup, le staff rentre, mais pas le staff du festival. En fait, le staff de la mairie, qu'elle rentre avec la maire et tous ses adjoints, qu'elle rentre, une aide d'honneur. Et nous, tous, on slip comme ça. Au milieu de la tente. Et on s'est retrouvés à faire tous les protocoles avec les maires, la maire en l'occurrence, une dame, et on tous ses adjoints. Voilà. On était en slip et c'était très, très sérieux, très protocolaire. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour vous donner la primauté de votre spectacle magnifique, Madame la maire, ainsi que l'adjoint à la culture, enchanté. Ainsi que l'adjoint au petit parc et jardin, bonjour. L'adjoint à la sécurité qui est ici, bonjour monsieur. Bonjour, madame. L'adjoint à la culture, l'adjoint au sport. À la côté, aménagement des espaces extérieurs. Dans une ambiance très jaune devant, marron derrière, quoi. Voilà, c'était très sympa. Et eux, ça ne les a pas du tout dérangés. Alors, pas du tout. Et c'était comme si nous étions en tenue de ville. Et c'était vraiment incroyable. On était là, slip. C'était la sincérité politique en action. Ils ont fait comme si de rien n'était. Voilà. Franchement, la langue de bois et slip des mousses. On aurait pu être en costume cravate, on aurait pu être en cosmonaute, ça ne changeait rien du tout. Voilà. Oui, dommage que parmi eux, il n'y avait pas l'adjoint à l'habillement. Voilà, ouais, l'adjoint textile. Oui. Exactement. Ça. D'accord. Ah oui, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et c'est quand même bizarre parce que d'habitude, c'est plutôt, c'est-à-dire, c'était avant le spectacle ou après? Oui, c'était juste avant. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'après, ces gens, ils nous ont collé au slip pendant très longtemps. Au bout d'un moment, on leur a dit, écoutez, vous êtes sympas, mais nous, on aimerait bien se changer maintenant. Est-ce que vous pourriez sortir? Et personne n'a dit, ah, mais oui, bien sûr, pardon. Ils sont sortis, genre, un peu indignés. Et puis après, ils nous attendaient devant la tente, quand on était costumés, jusque devant la scène. Et on était là, bon, alors nous, par contre, on va peut-être jouer maintenant. On va devoir travailler. Et voilà. Il nous parlait. Et nous, on était là, bon, c'est sympa, mais nous, on aimerait bien travailler maintenant. Alors, si vous pouviez nous laisser, ce serait sympa. Merci voilà, beaucoup. Voilà, c'était un peu... cependant, oui, pardon, pour finir, c'est parce qu'à une tente, tu ne peux pas frapper. Parce que comme il n'y a pas les portes. Ou alors, si tu frappes sur une tente, ça fait floup, floup, floup. Donc, ils ne l'ont même pas fait. On n'a rien entendu. Il faut vraiment imaginer qu'on est là en train de rigoler juste avant. C'est 5 minutes avant d'entrer sur scène. Hein. On est juste en slip avant de mettre les costumes. Et vraiment, tout d'un coup, madame, le maire, 25 personnes. On ne peut pas frapper, mais je dirais, il aurait fallu qu'ils disent oui, on est l'équipe municipale, est-ce qu'on peut rentrer? Enfin, c'est la moindre des choses. Voilà, c'est nous qu'on est la mairie. Voilà. Ça. Mais ça arrive très souvent, tu sais, parfois, les équipes municipales, tu sais, elles rentrent, c'est un peu... Mais là, c'était particulière quand même, hein. Oui, on leur appartenait. Alors, peut-être aussi, pourquoi est-ce qu'ils vous ont autant collé? Peut-être aussi qu'ils espéraient avoir une place avec vous sur scène, monter un groupe à 7 ou 8 au lieu de 3, quoi. Oui, exactement, c'est possible. Le secret inavoué. Bah, peut-être que la commune était jumelée avec une ville suédoise. Mais peut-être. On avait une autre anecdote. Oui, une anecdote qui nous a traumatisés. Je crois que c'était la première date de notre nouveau spectacle. Et on s'est retrouvés pendant, je ne sais pas combien de temps sans... Mais c'était il y a longtemps. C'était là longtemps. Autant pour moi, je confonds avec un autre moment où j'avais moi seulement pas les sons sur mon instrument. Non, c'était il y a quelques années. Et en fait, on a fait tout le spectacle comme ça. Et il y avait très peu de réactions dans la salle. Et on s'est dit, bon, ils sont morts. On fait un four monumental, c'est pas très drôle ce qu'on dit. Et en fait, quand on sort, Il y a un technicien qui vient nous dire « Je suis désolé, en fait, au bout d'un quart d'heure que vous jouiez, il n'y avait plus de son. » En fait, comment ? Il dit « On est désolé, on n'a pas osé vous le dire, alors on vous a laissé le faire. » Ça veut dire que pendant une heure et quart, on a joué sans micro. Pendant 45 minutes. Ouais. Pendant 45 c'est minutes, très, très on a gentil. Joué sans le son. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'était quand même une salle, il faut imaginer une salle de 2000 personnes. Hein. Ce n'est pas un truc que tu peux le faire tout acoustique, tu vois. C'est une salle de 2000 personnes avec tout le matériel pour que juste on entende le spectacle. Et donc, en fait, pendant 45 minutes, les gens, ils ont entendu. Voilà. Et là, on a juste posé sa question un peu bizarre. On a dit, mais pourquoi personne n'a pas juste interrompu pour dire, oui. Nous avons un petit souci technique, excusez-nous, nous allons réparer tout de suite et reprendre dans de bonnes conditions les spectacles que vous avez payés. Oui. Et non. Non, 45 minutes comme ça. Les gens étaient ravis, Shankar. Ouais. Est-ce que vous êtes remonté sur scène après pour dire aux gens, mesdames et messieurs, on vient de nous prévenir, tout ça ou... Non, mais c'est que c'était drôle, c'est que les gens, elles nous regardaient comme si on était un caca immobile. Et à bout de trois quarts d'heure de spectacle, on remet le son et tous les gens dans la salle, ah, oui d'accord, vous êtes sympas les gens, mais vous n'auriez pas pu dire pendant le spectacle. On vous entend pas, bande de blaireaux. C'était très bizarre, très très bizarre. Oui. Ah oui, bah, c'est une sorte d'immense pudeur partagée par tout le monde, les spectateurs, les techniciens. Personne n'osait dire qu'il y a un problème. Et ben la pudeur qu'avait le public. Après dans les c'est la pudeur que n'avait pas la mairie. Absolument, absolument. Je crois que j'aurais préféré être en slip que ne pas avoir de son pendant trois quarts d'heure. Je l'ai préféré aussi, oui. Le pire aurait été d'avoir pas de son et être en slip. Là, pour le coup. Ce qui est drôle, en fait, c'est qu'avec cette deuxième anecdote, c'est l'inverse de mon podcast. Parce que dans mon podcast, il y a le son, mais il n'y a pas l'image. Et là, les spectateurs avaient l'image, mais ils n'avaient pas le son. Absolument. C'est tout à fait ça. Mais ça faisait partie des toutes premières fois où on jouait avec des micros et du son. Ouais. Et donc, nous, on n'avait pas l'habitude. Non, on ne se rendait pas encore compte de ce que ça faisait sur le scène d'avoir le son ou pas. Là, maintenant, actuellement, bien sûr, on se rendrait compte tout de suite qu'il n'y a pas de son dans la salle. À l'époque, d'ailleurs, on n'avait pas encore notre ingénieur son de maintenant. On n'avait jamais passé ça. On n'avait pas les retours sur scène, donc pareil, on ne se rendait pas compte de ce que ça donnait dans la salle. Mais voilà. Et sinon, on a joué aussi plusieurs fois en étant malade respectivement. Donc, il y en a un qui n'a quasiment pas de voix, qui chante alors qu'il est presque aphone et qu'il est drogué à la cortisone juste avant. Un autre qui est tombé dans les pumes parce qu'il est vraiment en mauvais état aussi et qui tombe dans les pumes, mais après le spectacle, par délicatesse, égard envers les gens. Ah, c'est des petites galères normales. Des petites galères à se faire opérer du ventre et jouer sur scène juste après en ayant vraiment très peur qu'elle ait philippette, des choses comme ça, très sympathiques. Mais somme toute, voilà, après, ça reste normal. Voilà, jouer aussi, on a joué un festival en plein air, très sympa, une sorte de Woodstock suisse, le festival des Nyons, où il y a énormément de groupes, plutôt groupes rock, tu vois. Et nous, on était un peu ovnis là-dedans, on faisait donc... les comiques musicales, et il y avait une averse, mais comment te dire, une averse, c'était le déluge, quoi. Il y avait des trombes d'eau, les gens étaient trempés dans la boue, et nous, on jouait électrifié, et je me suis dit qu'on allait tous mourir électrocutés, en fait, parce qu'il y a des eaux qui tombaient partout, un peu sur la scène, un peu sur tous les trucs, et les gens étaient trempés, il y avait de la boue partout, et ouais, c'était un peu flippant. Oui, il y a eu 2000 personnes d'un seul coup sous une tente qui était prévue pour 3000 personnes dans une tente qui était prévue pour 1005 ou 1002, je ne sais plus, mais c'était assez comique. Surtout que juste après, il y avait David Guetta qui jouait dans une autre tente. Donc, on est tombé pile au bon créneau, quoi, je pense. Voilà. D'accord. Et l'histoire de risquer de se faire électrifier, tout ça, est-ce que c'est tombé au moment où vous repreniez une chanson de Claude François ou pas ? Non, mais effectivement, ça aurait pu être le cas. Ça aurait été du coup un très très bel effet de mise en scène. Ah oui, ça aurait été un véritable hommage justement à Claude François. Ah, oui, tout à fait. Jusqu'au bout de leur hommage. Ah, nous, on aime tellement les artistes qu'on décède comme eux. Mais juste après, d'ailleurs, cette fameuse festival dont parlait mon frère, on a enchaîné 4 heures d'interviews non-stop sous une tente. Et les gens, elles étaient trompées, elles arrivaient avec la bue Il y avait de l'abus partout dans, dans les caravanes. C'était une caravane. Et à la fin, on n'en pouvait tellement plus parce que juste avant, on avait fait un mois d'Avignon. Et on a enchaîné avec, ce magnifique festival de Paléo Festival. Et on est 4 heures d'interview juste derrière. On était en craquage. Et le monsieur qui nous a fait l'interview, il a été en craquage aussi. Et en fait, on a eu un fou rire de je ne sais pas, 3 quarts d'heure de fou rire. On n'arrivait plus à s'arrêter. Plus. C'était incroyable. On ne pouvait pas poser les questions, on ne pouvait pas répondre. Ah, on pleurait, on roulait par terre de rire. Oui, c'est ça, c'est la fatigue qui entraîne ces fous rires. Quoi. Ah, exactement. On craquait littéralement, oui. Le craquelage. Oui, c'était surréaliste. Surréaliste. Il faut imaginer vraiment une caravane qui a vu défiler comme ça une quinzaine d'intervieweurs plein de boue, qui ont laissé plein de boue dans la caravane. Et nous, on est au bout de la caravane et on est épuisé. Et tout d'un coup, le dernier, il rentre et il est venu avec sa femme et ses enfants. Ah oui. Et ils s'assoient tous en famille et ils commencent à nous poser des questions. Et là, on a hurlé de rire tous ensemble. On en pouvait plus. C'était très beau. C'était, c'était magnifique. C'était drôle. Ouais, très, très bon. Très bon. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des pires anecdotes. Mais il me semble, hein. Ouais. Oui. On en a d'autres, mais on les garde pur nus. Elles sont structurées. Et pour la prochaine fois, peut-être. Ah ben, avec grand plaisir, à une prochaine fois, on fera un épisode retour, si j'ai l'occasion de vous voir sur une scène prochainement, de partager une scène avec vous, j'espère. Et puis, vraiment, en parlant merci. De retour, une dernière pour la route, en parlant de retour, puisque tu parles des retours. Une fois, j'avais tellement de problèmes de retour qu'il a fallu mettre un seau de chaque côté de la salle, tellement j'étais malade, pour être sûr qu'à chaque fois que je sortais des scènes, il n'y ait pas d'accident de retour, tu vois, justement. ça, c'est des petits trucs où à chaque fois, tu dis, où est-ce qu'il est le seau? Et il est à droite, on a mis des deux côtés. C'est comme vrai. Ça, c'était tranquille. Classe, man. Donc, je déconseille complètement la gastro-entérite à ceux qui veulent faire des one-man shows. J'espère que vous avez noté le conseil. Il ne faut surtout pas attraper la gastro avant de monter sur scène. Si vous comptez attraper une gastro, ne faites pas de scène. Comme ça, c'est plus simple. Et la question que je me pose, et je pense qu'il est sur les lèvres de tous les auditeurs, c'est lequel des deux seaux était le plus rempli? Celui de gauche ou celui de droite? Bien sûr. C'est forcément celui à jardin. C'est celui qui était le moins rempli. C'est celui dans lequel je me suis pris les pieds. Non. Heureusement. Ah, qu'est-ce que voilà, c'est l'amour fraternel, tu sais, elle est inconditionnelle. Hein. C'est les fluides, ça s'explique pas. Ah ben oui, là, franchement, là, je pense qu'il vaut mieux pas expliquer dans ces cas-là. Il n'y a rien à dire, il faut juste assurer le coup. Il n'y a rien à dire, il y a juste à vivre. Oui, voilà. Et vous avez très bien vécu et merci beaucoup de nous avoir fait vivre ces anecdotes avec vous. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Youpi, avec plaisir, bien sûr. Mm-hmm. Sur Blonde sur Facebook, sur le site. Instagram. Oui, sur le site www.blondeandblondeandblonde.com, sur la page Facebook Blonde and Blonde et sur le Instagram Blonde and Blonde, tout simplement. Très bien. Chaîne YouTube peut-être aussi ou Twitter? Oui, tout à fait. On a une chaîne YouTube Blonde and Blonde. Oui, Twitter, non. Twitter, non, on ne tweet pas trop, nous. Non. D'accord. Ni TikTok, ni Snapchat. Ni Snapchat, ni WhatsApp, ni Tuk-Tuk. Voilà. Et bien, pas on n'y est pas. Je mettrai les bons liens, je mettrai Facebook, Instagram et YouTube et le site officiel. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.